si ou pas vrai moi, et pourtant nous t'es tellement doué. En t'es vlet ou des mots doux, en pas vrai temps la passé. Si ou t'es fait mon petit sourire, moi pas t'es que m'surprise. Parce que faut vous savez, ni un moment, aimé ou si. Si ou t'es qu'il est fini, fini, fini, tout doux en moi. Partager en local et puis au doudou le péouan des bois en moi juste en sous pas coupé en flé parole en amour pour pétraper frisson pas en flé au senti ou léger pompule le savon en la cachaillé. Oh oh cachaillé. C'est pour nous tous. Oubliez-moi. C'est pour nous tous. Love, love, love. En tout cas, moi. C'est pour vous. Love-moi. C'est pour nous tous. Mais viez-moi. C'est pour nous tous. L'amour cachaillé, moi doux. Moi, ma vie fait tellement plaisir. Que moi, capable encore en moi. Moi, développer aussi, moi. Et puis caresser pédoucé. Parce que c'est pour moi flécher. Pas comprendre moi qu'à mentir. Moi je veux savoir aussi. L'amour en moi c'est bas. C'est pour vous. Mais love en moi. C'est pour nous tous. Vie en moi. C'est pour nous tous. Mais love, love, love. Tu veux moi. C'est pour vous. Love en moi. Mais viens-moi. C'est pour nous tout. L'amour cachaillé moi doux. Moi voulais sentir tout fait en moi. Pour nous décrocher ces étoiles. L'opéré puis en voile. Et fermer nous à notre cache. Moi voulais sentir un tiron en moi. Pour un rayon soleil. Pour un rayon l'amour. Maintenant là c'est moi. Viens-moi. Love for moi. C'est pour nous tous. I feel way. C'est pour nous tous. Aïe, my love, my love. Moi tu veux que moi. C'est pour vous. Moi tu veux que moi. C'est pour nous tous. Mais où c'est que moi. C'est pour nous tous. L'amour cachat.